PC qui a de la latence hein, parce que franchement d'ici j'en ai vraiment pas quoi. Pourtant je suis en wifi toute pourrie, je suis à 15 mètres de la source à moitié craqué, mais il n'y a pas de souci ici hein. T'es sûr que c'est pas ton PC là qui a un décalage ou quoi là? Parce que j'en capte pas de latence ici hein, ni en enregistrement ni en playback, et quand on écoute les pistes y en a pas non plus quoi. Ouais, rien de nouveau. Oh le bordel. Ah tu m'étonnes. Ah ouais, latence serveur. Et vas-y, explique, c'est quoi la différence? Latence serveur, latence matos. Je sais pas trop le... C'est quoi le... au niveau du jeu, au niveau de notre confort de jeu, c'est quoi le...